Marc Boilard, bon matin. C'est à mon tour. En partant des salutations à ma sœur Danielle de New York qui nous écoute ce matin, qui est à Québec en fin de semaine. On va se voir tout le monde un beau souper ce soir. Et une question alors, pour toi, Martin. OK, go. Ouais, je vais dévier un petit peu ton sujet, mais on va avoir du temps en masse après. Là, pour, je okay. sais que tu veux me parler de quelque chose. Toi, une ouais. bière qui s'appelle Tite Pute, ça te dérange-tu? Là? Non. Moi non plus. Tite Pute, c'est drôle. Moi, c'est juste drôle. Ah Tite non, pute. Moi, j'aime pas ça. Hein, pourquoi, toi? Non, mais moi, ça s'arrête où, à un moment donné, là? Ben, c'est parce que Gabin... Ben, à Montréal, il y a un restaurant qui s'appelle Ma Grosse Truie Chérie, c'est-tu pire? C'est carrément en entrant au pont... Ben, je trouve pas ça beaucoup plus édifiant, là. Mais, non, qu'est-ce, mais qui est pire? Qu'est-ce qui est pire, Catherine? Que, en passant, c'est le Corsaire, une microbrasserie à Lévis, qui appelle une de ses bières la Tite Pute. Est-ce que une bière humoristique qui s'appelle Tite Pute, le gars, il va là, il paye sa bière, il boit la bière, ou le gars qui s'en va dans Saint-Roch ramasser une fille sur le trottoir? Ben, c'est parce qu'il paye pour avoir une... C'est parce que des putes, là, il y en a. Alors, si les gens trouvent ça pas correct, puis qu'il faut condamner ça, moi, je vous suis, regarde, j'ai pas de trouble, c'est un combat. Tout... Mais le nom d'une bière, pensez pas qu'on fait une chasse aux sorcières. Mais Sylvain, l'erreur, c'est-tu quoi? L'erreur, c'est juste de jouer avec le feu. C'est une erreur de marketing. C'est, tu sais, chacun, gars, Catherine, là, à son point, elle a parfaitement le droit de trouver que c'est trop. Nous autres, on peut dire, ben voyons donc. Mais l'erreur, c'est d'appeler ta bière de même. C'est, enlève les valeurs et tout ça, là. C'est comme tu joues avec le feu, puis là, tout à coup, tu te fais parler de toi négativement. C'est ce que je trouve bizarre, fin d'histoire, là. Ouais, mais ça, je te le donne sur le marketing. Mais bon, là, parce que les féministes chialent, la brasserie à Lévis, le Corsaire, est sous la sellette avec le bière Tite Pute. Il y a un gars, là, qui vend des... Il élève des moutons, là. Un peu avant d'arriver à Drummond, ça a 20. Son commerce s'appelle Ben Lalaine. Vous l'avez tout vu? Oui. Ben oui. Lalaine, du nom du gars qui a tué 3000 personnes à New York. Ben Laden. Oui. Tout le monde trouve ça drôle. J'ai vu personne au Québec se dire, hey, on se manque de respect, là. Colin, on va-tu appeler notre boutique du nom de Charles Manson ou d'un tueur en série ou d'un maniaque? Qu'est-ce que c'est ça? Voyons. Ben Lalaine. Tout le monde trouve ça drôle. C'est un jeu de mots. Tu sais, mais t'as connais la règle. T'as pas le droit d'irriter les féministes. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Ben, je suis pas la personne qui se considère la plus féministe au monde, mais moi, je trouve pas que c'est brillant comme nom. Je trouve que c'est du mauvais marketing. L'histoire de la Barbie que tu tires par les cheveux qui sert de robinet pour la bière. Ah, ben, ça, c'est une autre affaire. Je l'ai vu, cette photo-là. Sérieusement. Ça, c'est, là. Ouais, je sais. Mais c'est ça, je t'ai dit, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est comme, tu sais, regarde, tu regardes ça pis tu fais, est-ce que, en soi, c'est épouvantable? Est-ce que ça va inciter au viol? Puis ben, non. Mais est-ce que c'est jouer avec le feu? Est-ce que c'est donner la porte ouverte à ce que, justement, un journaliste tombe là-dessus? Puis qu'après ça, il y a du monde qui font un monstre épouvantable. C'est comme, pourquoi être allé dans cette zone-là? Tu sais que c'est sensible, pourquoi? Mais je me souviens encore d'une pub à TV où tu voyais une femme, il y avait un livreur qui amenait ses sacs d'épicerie à l'auto, elle ouvrait son coffre, puis elle pitchait le petit livreur dans son coffre. J'ai essayé d'imaginer l'inverse, le gars, il ramasse une fille, puis il amène dans le coffre. Il y a une pub également où un gars là, qui était rendu un chat, là. T'es rendu comme un chien ou un chat, là, une pub. Oui, oui. Ouais, t'imagines-tu la fille, toi, qui fait la chienne, puis qui... Mais Marc a raison, c'est deux pas deux mesures. Mais c'est ça. Fait qu'une fois que tu le sais, c'est peut-être ça l'erreur des gens. La fameuse publicité aussi de Desjardins, là. Annico. Tu sais, là, la fille, elle dit tout, elle décide tout, puis là, Annico. Imagine l'inverse. C'est le gars, puis qui dit, Caro. Puis là, elle a dit oui. Mais Catherine, ça j'en ai une pas, question, là. Moi. Et est-ce que dans la pub des fromages, attends un peu, j'ai mis en avant, on va prendre le temps, on va te laisser jusqu'à 9h. Dans la pub de fromage, là, Benoît l'innocent, là, saurais-tu pas être sa femme qui était gnochante, ben puis lui, jamais. C'est toujours le cas qu'il faut qu'il fasse le cadre. Elle, je la veux, elle. Elle, c'est ça, c'est la mienne, là. La blonde à Benoît, elle est belle, peut être intelligente, elle sort avec un gnouf. Moi. Je veux tout revirer ça en posant une question, Catherine. Comme si t'étais, mettons, la porte-parole de tout ça, là, puis je veux voir vraiment toi qu'est-ce que t'en penses. Ça, je trouve ça lourd, là. Oui, mais tu vas voir. Mais je sais, non, t'es pas. Écoute, t'es toute sauf une Thérèse chialeuse, ça n'a rien à voir, là. Mais je fais juste te poser la question. Quel jour une fille sur Internet, dans un journal ou à quelque part, quel jour une fille va prendre parole et s'offusquer de dire « Hey, je suis tanné qu'on me dépeigne comme une Thérèse. Je suis tanné qu'on me dépeigne comme une chialeuse qui empêche. » Écoute, j'en ai je sais pas combien des pubs dans ma tête, là. La fille qui dit à son chum, là, parce que c'était une annonce d'auto, qui dit à son chum, ils sont je sais pas où, je pense qu'ils sont à un cratère au Costa Rica, puis il y a son parachute, puis « Pense-y même pas. » C'est tout le temps, Germaine qui dit à son chum, non, tu feras pas ça, non, c'est pas de même. Quand est-ce qu'une fille qui va dire, hey, on est écœuré d'avoir l'air des contrôlantes, puis qui, c'est quand? On l'entend jamais. Non, quand je dis quand t'inverses les rôles, alors là, c'est épouvantable. J'aime ça. Pourquoi? Mais, tu vois, je trouve que d'un coup, oh, c'est tough, ça, ce bout-là. Je suis pas sûre que les filles trippent de passer pour les contrôlantes. Non, je suis sûre que non. Ouais. Puis, écoute, la question se pose, pourquoi elles le disent pas plus que ça? D'un autre côté, alors que tantôt, j'ai dit que j'étais pas la personne la plus féministe au monde, puis c'est vrai, je sais très bien, par contre, que les filles qui, tu sais, cette semaine, il y a une offensive là, des groupes féministes, puis qu'à chaque fois que les féministes prennent position, elles se font torcher, là. Tu sais, les messages contre elles sont extrêmement violents. De l'autre côté aussi, les gars qui prennent position pour les gars se font torcher. Pourquoi faut que tout le temps ça se fasse au détriment de l'autre? C'est là où j'ai de la difficulté, moi. Je suis d'accord. Je trouve ça bien plate. Parce que c'est des sujets où quand t'émets une opinion, tu te fais insulter. Oui, exact. Si, admettons, tu dis, ben moi, je pense que, là. Ouais. Ah ben, ça veut dire que tout le monde exagère la réponse qu'il donne. On peut-tu juste discuter du point? Comme là, justement. Pourquoi? Ouais. J'aime pas ça que ça se fasse toujours au détriment de l'autre. Pourquoi on peut pas, au contraire, être solidaires les uns les autres dans la même cause, qu'on arrête de passer pour des caves? Non, mais à la base, dans n'importe quel sujet, t'as le droit de dire « je suis d'accord, je suis pas d'accord ». T'as le droit de dire « j'aime ça ou pas ». Petite pute, je trouve que c'est exagéré. Petite pute, moi, je trouve que c'est drôle. Il y en a pas de problème jusque-là. Mais je suis convaincu. Insultes partent. Mais je suis convaincu que si une autre microbrasserie ou la même gang, mettons que les Corsaires à Lévis, ils ont une bière puis ils l'appellent « gros cave ». Y a-t-il un gars qui va dire « Ah, mon Dieu, on chie, ça n'a pas de bon sens. » Oui, mais ça pèsera rien, Sylvain. Oui, il y a un gars qui va le faire, mais ça pèsera rien. Peut-être qu'il y en a un, mais tu sais, ça va gagner. Ouais. Attends, je ne suis pas certaine, OK, parce qu'il y a un exemple bien précis. Les « Stay at home, Dad », OK, c'est un mouvement qu'on voit naître aux États-Unis parce que la crise économique aux États-Unis a surtout frappé les hommes. Métier de la construction, métier financier, où est-ce que ce sont des hommes qui travaillent majoritairement? Alors, finalement, ce sont les femmes qui gagnent le plus gros salaire, les hommes qui sont à la maison. Ils se sont regroupés maintenant, eux autres. Ils ont formé, ils ont leur propre appellation, les Stay at Home Dad. Puis, il y avait une publicité de Huggies qui montrait un enfant qui était laissé un peu trop longtemps dans sa couche, ou tu sais, la couche mise tout croche. Puis, en bout de ligne, ben c'est la maman qui venait sauver la situation. Puis, l'enfant disait « Merci, maman ». Ben les Stay at Home Dad, eux autres, ils ont dit « Non, pas vrai que ça va se passer comme ça. » Ils ont tellement manifesté que Huggies a retiré sa publicité. J'aime ça, mais tant mieux. Puis en même temps, qu'est-ce qu'on voit dans l'actualité au Québec? Des parents qui vont porter leurs enfants à des femmes voilées du niqab, mais il y a un gars qui a parti une garderie à Montréal en passant. Il n'y a pas un chat. Il n'y a personne qui va aller confier. Oui, exact. Ça, c'est drôle. Hein? T'as lu ça, toi aussi? Ouais. C'est magique. Le gars, il dit « C'est pas compliqué, je change mon nom maintenant ». Quand le monde appelle en disant c'est qui est à garderie, telle affaire, au lieu de s'appeler Denis, mettons, il s'appelle Denise, puis il dit c'est drôle, là, maintenant j'ai des inscriptions. C'est l'enfer. Fait que là, garde, excuse-moi, ben oui, c'est garde. C'est l'enfer. Alors, mais c'est ça, mais une fois que tu le sais, je te suis sur le marketing. Une fois qu'on a tout dit ça, pour les gens du Corsaire, mon gars, vous avez rien fait pour de mal. Choisissez tes combats. J'adore ça. Choisissez vos combats. Celui-là, il est un peu perdu d'avance. Mm-hmm. Et là, vous vous retrouvez dans le journal, évidemment, que des médias comme Le Soleil puis Radio-Can, ou des médias un peu plus à gauche, vont spinner là-dessus, c'est dans leur agenda. Mais ça, on le sait que c'est de même. Ils ont le droit aussi, ils ont le droit d'avoir des valeurs de même. Ben oui. Puis oui, de pitcher ça. Oui. Fait que tu te ramasses plus dans la merde que d'autres choses. Ouais. La seule affaire qui est gazant, c'est quand ça vire en insulte. Puis malheureusement, ça vire toujours en insulte. Très rapidement. Tu finis par dire, sais-tu quoi, je vais fermer ma gueule. Je suis pas d'accord. Mais c'est de même. Mm-hmm. Très bonne chronique, Marc, on s'en reparle demain. Mais demain, ça peut avec ton sujet. Ouais, t'aimes-tu mieux ça? Oui, parce que je veux te laisser du temps, parce que là, je vais te bousculer pour ton deuxième sujet, puis j'aime pas ça. Garde-nous sur la demain. On se voit, nous autres, là. Oui, peut-être. Oui. Salut. Oh, peut-être. 8h44 au FM 93. Marc Boilard, présenté par Plancher à tout prix.